Vous écoutez l'Heure internationale, une revue d'actualité en 60 minutes. Je m'appelle Alexandre Gauthier et c'est une émission qui est présentée par le Comité de solidarité Trois-Rivières. C'est un organisme qui œuvre en Mauricie, qui fait de la coopération internationale depuis 1973. Donc, on travaille pour un monde plus juste, plus équitable, affranchi des dominations économiques, militaires, etc. Alors, aujourd'hui, une pas mal grosse émission. Pour les 60 prochaines minutes, nous aurons une revue d'actualité avec notre chroniqueur François Landry. On va aussi recevoir un chercheur de l'IRIS, qui est l'Institut de recherche en information socio-économique, qui va venir nous parler un peu de propositions. En fait, là, c'est le temps des impôts, donc on va parler de comment on pourrait rendre l'impôt plus agréable, en fait, pour les concitoyens. Et on a Omar Aktouf, qui est un économiste professeur au HEC, on va venir nous parler un peu de la dette des États. C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est quoi la différence entre la dette des États et les dettes personnelles qu'on peut contracter? Alors, gros menu d'émission, aussi toujours la musique du monde qu'on est allé chercher pour vous. Ça commence immédiatement. Bonjour François Landry. Bonjour Monsieur Alexandre, ça va bien? Ah, très bien, toi? Oui, très bien, merci. Écoute, encore une autre très grosse semaine en actualité internationale. On a juste à revisiter un peu, comme je t'avais mentionné la semaine dernière, Influence Communication, qui analyse le poids média dans les journaux, soit papier, télé, radio au Québec. Eh bien, cette semaine, le top 5 au Québec de la couverture médiatique, dans le désordre, on y va. Numéro 5, le nouvel amphithéâtre à Québec. On sait, on en entend parler. Stephen Harper va-t-il investir ou non? C'est la grosse question. Donc, 1% du poids média. En quatrième position, et oui, le sport revient toujours et encore, les Packers de Green Bay et les Steelers de Pittsburgh qui vont s'affronter au Super Bowl. Ça a attiré 1,02% du poids média. En troisième place, les troubles politiques en Tunisie. On va en reparler un peu plus tard dans la chronique. Ça a attiré pour 1,4%. Numéro 2, le retour de Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, en Haïti, 1,44%. Mais la grosse nouvelle cette semaine, c'est une nouvelle extrêmement locale, très ponctuelle, le rapport de la commission Bastarache. Ah ben oui, c'est sûr. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça a fait beaucoup d'encre, ça a coûté 6 millions de dollars. Et est-ce qu'on va voir les recommandations du juge? On le sait toujours pas. Donc, ça a occupé pour 3,29% du poids médiatique au Québec seulement. Et là, cette semaine, François, c'était la fête, littéralement la fête, l'anniversaire. Là. On a eu, j'allais dire la chance, mais c'est pas nécessairement la chance, mais ça fait 5 ans que Stephen Harper est au pouvoir à la tête d'un gouvernement minoritaire au Canada. Donc, quel bilan là, on dresse ici après 5 ans là, au pouvoir, l'anniversaire de Harper? Sa grande victoire, c'est d'avoir toffé 5 ans en tant que minoritaire, parce que c'est la première fois depuis Pearson dans les années 60 qu'il avait gouverné en étant minoritaire entre 63 et 68. Harper l'a battu en termes de longévité. Donc, plus un pour Stephen Harper. Il a gagné son pari de, même tout en étant minoritaire, de se maintenir au pouvoir. Mais quel bilan pouvons-nous faire de son bilan politique, disons-le, comme ça? Le principal héritage, c'est d'avoir toffé aussi longtemps, comme j'ai dit. Mais Harper, son bilan, est-ce que c'est un bilan idéologique ou pragmatique? Est-ce qu'il a mis en place un plan d'avenir pour le Canada ou est-ce qu'il a importé les idées de son parti, qui est aussi le but même d'un parti politique? Est-ce qu'il a voulu transformer la société canadienne selon les valeurs conservatrices? On a juste à penser à la militarisation du Canada. Jamais dans l'histoire du pays, autant de dépenses ont été attribuées à ce seul poste financier. La mission en Afghanistan est un gouffre financier pour le Canada. L'achat de matériel militaire, c'est aussi c'est controversé, disons-le comme ça. Controversé, avons-nous vraiment besoin ou avons-nous les finances pour nos ambitions au terme de militarisation. Même, corrige-moi si je me trompe, François, mais j'ai un peu l'impression que la politique extérieure du gouvernement Harper, c'est justement la militarisation du Canada, puis de s'affirmer un peu là, avec des armes technologiques puis une présence dans les conflits militaires. Mais ce faisant, il néglige beaucoup d'autres pans là, de sa politique extérieure. Quand on pense, au changement climatique à Copenhague, quand on pense à le cas d'Omar Kader qui n'a pas voulu rapatrier, son appui inconditionnel à Israël, la coupure de financement dans un paquet d'organismes comme Droit et démocratie qui venait en aide partout dans le monde, le retrait de ses subventions à une grosse partie de l'Afrique francophone. Donc, je veux dire, ça tient lieu de politique, littéralement, cette militarisation-là. Exactement. Donc, est-ce que Harper se définit de par l'image militariste qu'il véhicule dans le monde? Probablement. probablement. Juste à penser à l'échec, par contre, à un gros échec pour Stephen Harper, le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Il voulait que le Canada revienne à son siège qui lui était dû, selon ses dires. Et il s'est fait battre par un pays, par l'Allemagne et par le Portugal, si ma mémoire est bonne. Gros échec pour Stephen Harper, mais échec qu'il a couru après, parce que si tu te souviens bien, l'Assemblée générale annuelle de l'ONU l'an dernier, où Stephen Harper n'avait pas été, ne s'était pas pointé le nez. Il avait préféré plutôt faire une annonce dans un Tim Hortons. Ben oui, comment l'oublier cette conférence de presse au Tim Hortons? Donc, les autres pays membres de l'ONU ont dit Stephen Harper préfère les beignes aux droits internationaux, donc peut-être que ça a joué en sa défaveur. Donc, c'est un bilan, mais le... Et donc, mettons, si tu avais à résumer en un mot, est-ce que ça passe ou ça casse, le bilan de Harper après 5 ans? Je dirais pas, je laisserais pas mon opinion aller, mais Manon Cornelier, journaliste au Devoir, publie dans l'édition du mercredi 26 janvier, donc ce matin même, en page A3, un résumé du gouvernement Harper, et je crois que ça résume très bien. Alors, il dit « La force actuelle des conservateurs n'est pas le fruit d'une victoire franche sur le front des idées, mais le résultat d'une gouvernance musclée, de manœuvres parlementaires controversées, d'une intimidation soutenue des adversaires, des critiques et des experts. » Il finit en disant que son parti a laissé le débat d'idées au vestiaire au profit d'attaques personnelles. Et avec les publicités qu'on voit de plus en plus circuler sur le net, on voit que l'attaque personnelle envers Ignatieff, justement, prend le dessus sur l'attaque plus politique. Et c'était un autre anniversaire aussi cette semaine, François. C'est les 2 ans du lock-out du Journal de Montréal, des employés du Journal de Montréal. Oui, le plus long conflit syndical dans le milieu des communications au Canada, pas seulement au Québec, mais au Canada. Donc, le 24 janvier 2009, aux petites heures du matin, 253 employés du Journal de Montréal, donc des journalistes, des employés de bureau, etc., se sont fait dire que vous étiez en lock-out. Donc, lock-out, ça veut dire que c'est la partie patronale qui met la clé dans l'entreprise et elle continue de fonctionner soit par les cadres ou par des scabs. La question sur les scabs est assez controversée parce que, présentement, il n'y a pas de loi clairement définie sur l'utilisation de scabs dans le milieu informatique. Et Québécois utilise beaucoup des journalistes à la pige via les courriels, via le net, pour monter le Journal de Montréal. Et la loi ne dit pas, ne précise pas c'est quoi un scab en informatique. Donc, le Parti québécois a pris sur lui d'amener en commission parlementaire la refonte de la loi sur les scabs, disons-le comme ça. Et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec est enthousiaste à cette idée-là. Donc, on va pouvoir moderniser cette loi. Et ça serait la seule solution pour mettre un terme, à court terme du moins, au conflit au Journal de Montréal, mettant aux prises Pierre-Carl Péladeau et son empire québécois et 253 employés toujours sur le trottoir. J'ai une drôle de nouvelle aussi, François. J'ai lu ça dans la presse Affaires. C'est, le gouvernement britannique. On sait qu'ils ont élu un gouvernement qui ressemble aux conservateurs, si on veut, qui ont déposé un plan extrêmement austère lors de leurs élections. Et là, ils s'apprêtent à déposer leur prochain budget et il y a un déficit prévu, donc une récession en vue là, en Grande-Bretagne. Et les journalistes, en fait, britanniques ont demandé au gouvernement, est-ce que ce ne serait pas vos coupures, peut-être, qui ont été faites, votre plan d'austérité qui ressemble à celui de la Grèce, à celui de l'Irlande et qui a amené les deux pays près de la faillite. Est-ce que ce serait pas ça un peu qui a amené le gouvernement et le budget où est-ce qu'il en est? Et sais-tu qu'est-ce que le gouvernement britannique a répondu à non, ça? Non. Il a répondu en fait que c'est à cause que cet hiver, ils ont eu pas mal d'intempéries et ça a vraiment désorganisé l'économie du pays. Alors, ce serait pas dû au plan d'austérité, ce serait vraiment dû à la neige. Donc c'est Dame Nature qui est derrière le complot du crash financier mondial. Si, ouais, à en croire en fait la déclaration de ce ministre qui s'est mis probablement les pieds dans les plats, j'imagine, avec cette déclaration-là. Donc, mais il n'y a pas juste en Grande-Bretagne que ça brasse. Là. On en a parlé un peu la semaine passée. La Tunisie, François. La Tunisie, ça brasse énormément. Ça évolue de jour en jour. Les manifestations les manifestants qui ne dérougissent pas de colère, ils sont dans la rue non seulement pour renvoyer le président, ce qui a été fait, mais pour aussi envoyer un mot très clair au gouvernement en place présentement, un gouvernement par intérim, pour dire on veut même pas de vous. On veut un tout nouveau gouvernement élu démocratiquement. Donc, on veut pas des potentats, des politiciens issus de l'ancien régime. On veut une classe nouvelle. Il y a eu des démissions la semaine dernière, encore cette semaine, d'autres démissions. Et là, il pourrait y avoir des mises en accusation. Le président Ben Ali pourrait être jugé en cour pénale. Donc, ça bouge tellement que suivez l'actualité dans les journaux. Faire une revue de presse de l'actualité en Tunisie, c'est pratiquement impossible parce que de jour en jour, ça évolue. Ça brasse, mais ça influence aussi la région nord-africaine. On a vu le nombre d'immolations par le feu se multiplier cette semaine en Algérie. Il y en a eu plusieurs, en Mauritanie, entre autres. Et en Égypte, ceux qui ont suivi l'actualité, vous avez vu qu'en Égypte, ça commence à bouger. Grosse manifestation de 35 000 personnes dans plusieurs villes égyptiennes qui ont confronté la police. Il y a eu un couvre-feu, il y a eu une loi passée très rapidement pour interdire toute forme de manifestation. Le président Moubarak, qui est en place depuis 1982, voit son siège peut-être vaciller. Mais là-bas, la différence de la Tunisie, c'est une manifestation du peuple. En Égypte, ça serait, selon les dires, imposé par les frères musulmans. Donc, il pourrait y avoir une forme de rébellion intégriste religieuse. En Égypte, ça n'a pas du tout la même signification qu'en Tunisie, où là, c'était vraiment contre un régime, contre la vie chère, contre la corruption. Là, ce serait plutôt vers le fanatisme religieux. Et un angle, en fait, qui n'est pas négligé, qu'on entend peut-être un peu moins dans les médias, dans les gros médias, en fait, ici au Québec, mais c'est, dans le fond, un des articles que j'ai lu dans l'autre journal de Michel Chodowski ou encore la lettre ouverte d'Omar Aktouf que j'ai lu sur Cyberpresse cette semaine et qui, eux, en fait, amènent l'angle que... Oui, Ben Ali, mettons, c'était un dictateur, il y avait un régime dictatorial, etc., mais il n'était pas moins partenaire avec les puissances occidentales, dont le Canada, l'Union européenne, les États-Unis. Donc, ces puissances occidentales-là ont comme accepté, finalement, d'avoir ces dictateurs-là en place pour des raisons de stabilité, pour des raisons de partenariat, pour des... T'sais. Donc, maintenant que le peuple se soulève, ces puissances occidentales-là, on les voit beaucoup moins que, par exemple, dans le cas de l'Iran, où quand il y a eu des manifestations, les puissances occidentales sortaient et on voyait Lawrence Cannon sortir pour dire que c'était bon, la démocratie en Iran, etc. Mais là, il y a un silence radio un peu de la part des gouvernements occidentaux. Exactement, un silence qui autorisait, dans le fond, l'existence même de certaines dictatures en Afrique particulièrement. Et là, Michel Chodowski, grand spécialiste de la question internationale, écrit dans l'autre journal, dans l'édition du 25 janvier 2011, la Tunisie est le dictat du FMI, donc le Front monétaire international. On se souvient un peu de l'Argentine dans les années début 2000, qui avait eu une grande crise économique. C'était en partie à cause du FMI qui avait fait transformer la monnaie argentine pour se baser sur la monnaie américaine, donc crash économique en Argentine. Et là, Michel revient ici en disant que le FMI est intervenu à la suite du départ de Bourguiba, qui avait fait la décolonisation française en Tunisie jusqu'en 87, et parce que le FMI avait dit qu'il faut avoir une économie libérale. Et Bourguiba, étant un progressiste nationaliste, a dit non, on va mettre l'argent tunisien en valeur, d'abord et avant tout. Et là, le FMI aurait fait faire, selon ses dires, une révolution de par le général Zine El Abidine Ben Ali, qui lui aurait... quelques semaines après sa prise de pouvoir en 87, a signé un contrat de libre-échange avec l'Union européenne. Donc déjà là, ça donnait le ton pour les années à venir sur justement la mainmise du FMI sur la Tunisie. Est-ce que la révolution qu'il y a présentement, est-ce que c'est pour mieux placer une économie libre-marché ou vraiment pour renverser la vapeur? L'avenir nous le dira dans les prochains jours. Et si je ne me trompe pas, la question que pose Chodowski dans son texte, c'est Ben Ali, dictateur ou bien pantin? Oui. Et lui, il répond tout simplement pantin, en fait, parce qu'un dictateur dirige selon ses vues et Ben Ali aurait dirigé selon les vues du FMI et de la communauté internationale. Donc, c'est un article très intéressant qui va paraître, j'imagine. Là, il est en ligne présentement sur le site de l'autre journal. J'imagine qu'il sera publié, le papier, dans les semaines qui viennent. Merci François. Ça fait plaisir. Ce tour Alexandre. D'actualité. Donc, oui. On se revoit, j'imagine, la semaine prochaine. L'actualité va toujours continuer de progresser, donc c'est certain que je vais être présent. Ben oui, tu as un métier assuré avec nous autres. T'es chanceux. Yeah! Merci François. Alors, nous autres, on s'en va. On va écouter une pièce musicale. C'est Gogol Bordello. En fait, c'est un artiste qui va être très intéressant. Vous allez voir, la voix, moi, m'a fait vraiment. J'ai adoré sa voix. Et au retour, on a une entrevue avec nul autre que Omar Aktouf, économiste et professeur au HEC de Montréal. Alors, on s'en va en musique avec Gogol Bordello. First time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the Lord ain't got no humor. Put me inside SSC. Let's this super string theory. Ay, ay, ay, ay, accelerate the protons. I steer it twice and then just at me. Cause I don't read the Bible. Bible! Into labyrinth of doubt, frozen underground, ocean melting, milking on my mind. Give me everything theory without Nazi uniformity. My brothers are protons, protons. My sisters are neurons, neurons. I steer it twice, it's instant family. I don't read the Bible. Astrophysicists in your family. Was your grandma auntie? Was your grandpa banty? The Yaskin Embassy. Boom! I don't read the Bible. Bible. I don't trust the Bible. On est de retour à l'heure internationale. Si vous avez regardé la Gazette de la Mauricie, qui est présentement distribuée là, dans tous les portes de la Mauricie, vous allez voir que il y a les pages centrales, en fait, que le comité produit, le comité de solidarité produit, et qui traite de la dette personnelle. Et dans ces pages-là, ce qu'on dit, en fait, c'est ça répond à la nouvelle comme quoi les finances des gens, leurs finances personnelles, les gens sont de plus en plus endettés, les gens s'endettent, la dette, c'est mauvais. Et il y a une grosse section, en fait, qui traite la question que les pages Grands Enjeux posent ce mois-ci, c'est à savoir, est-ce que c'est la même chose, l'endettement personnel ou l'endettement d'un État? Donc, si moi, je contracte des dettes à mon nom personnel et que là, j'ai des dettes, c'est quelque chose qui est mauvais, je veux payer mes dettes, mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le raccourci peut se faire là, quand on parle d'un État? Et c'est la première question que je vais poser à M. Omar Aktouf, professeur au HEC de Montréal et économiste. Bonjour, M. Aktouf. Bonjour. Donc, vous allez bien? Oui, merci, merci. Je voudrais juste corriger une petite chose aussi de formation économique aussi, mais je suis plutôt professeur de management à HEC. Ah, d'accord. Donc, Ben, c'est pas bien grave. Alors, ben, la question qu'on pose, c'est la première question, c'est directement ça, je vous la pose, c'est à savoir, est-ce que la dette des États, c'est si mal qu'on le dit? Oh, ben écoutez, sans dette, aucun État fonctionnerait. C'est tout à fait normal d'avoir des dettes parce que avec les ressources internes d'un pays, on n'arrive pas toujours à combler tous les besoins. Et en plus, il y a 3-4 monnaies qui servent de monnaie d'échange international. Donc, vous êtes obligé d'emprunter du dollar ou du yen ou du yuan ou de l'euro pour acheter autre chose si votre monnaie c'est du dinar, du réal ou du peso. Donc, on peut pas s'en passer. Donc, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la dette. C'est ça le problème. C'est un effet de levier. Et une dette, c'est pas fait pour être remboursée le plus vite possible. Si on contracte une dette, c'est parce qu'on a envie d'en faire quelque chose d'intelligent, qui va améliorer notre sort dans l'avenir. Et puis, c'est ça qui compte. Et le remboursement, ben, c'est une question qui se pose après.

infiniment besoin, eh bien, on installe systématiquement des régimes qui sont totalement à la botte de cet Occident. Par exemple, l'un des plus récents, c'est au Gabon. Le Gabon est très riche en pétrole. Eh bien, qui on a installé au Gabon comme par hasard, qui est devenu président du Gabon, c'est M. Ali Bongo. Qui est M. Ali Bongo? C'est le fils de Omar Bongo, qui est son père. Qui est son père? C'était un lieutenant des services français qui a été installé par un coup de force soutenu par la France en 1967 à la tête du Gabon pour livrer tout le pétrole du Gabon aux entrepôts multinationales françaises, en échange de quoi il peut mettre des milliards et des milliards en France et ailleurs à titre personnel, et puis on vient d'installer son fils à sa place. Alors voilà comment ça se passe. Ça, c'est la même chose en Tunisie, c'est la même chose en Algérie, c'est la même chose en Égypte, en Jordanie, en Arabie Saoudite, au Koweït, etc., etc. Et regardez en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que la communauté internationale, entre guillemets, d'abord, qui est cette communauté internationale? C'est l'Occident, tout simplement, et ses intérêts, à commencer par Washington, Paris et Londres. Bon. Donc, cette communauté internationale veut absolument M. Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire et ne veut plus entendre parler de M. Gbagbo. Alors que M. Gbagbo a été consacré président élu gagnant par le Conseil constitutionnel légitime de Côte d'Ivoire. Bon, pourquoi? Ben, tout simplement parce que si on regarde l'histoire, M. Ouattara était un ministre du régime Oufouette-Boigny, Félix Oufouette-Boigny, lequel régime Félix Oufouette-Boigny a duré, je ne sais pas moi, une quarantaine d'années, complètement au service des intérêts français, européens, américains, dont la richesse principale, le cacao, c'est le premier producteur de cacao du monde, a été mise complètement entre les mains de multinationales occidentales. Et M. Gbagbo, lui, qui est plus d'obédience, disons, socialiste, nationaliste, protectionniste, eh bien, on n'en veut pas. Parce que, tout simplement, on sait que M. Ouattara va ouvrir les frontières et va donner son cacao tranquillement à la France et à ceux qui en veulent, et puis affamer le peuple ivoirien jusqu'à ce qu'il descende dans la rue, comme l'ont fait les Tunisiens. Eh bien, en fait, ça éclaire un peu sur la dynamique, là, comment fonctionne un peu la relation de dette, en fait, envers les institutions internationales. Monsieur Actouf, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous serez le bienvenu, là, encore à cette émission pour plein d'autres sujets dans le futur, j'imagine. Avec grand plaisir. Merci, bonne Est-ce journée. Est-ce que ça passe en direct ou c'est en différé? Ah, nous sommes présentement en direct et en fait, j'en profite, je vous le dis à vous, mais je le dis aussi aux auditeurs, c'est aussi en version balado-diffusion. Ça va être sur le site heureinternationale.wordpress.com et tous les entrevues, tout le matériel, en fait, se remet sur Internet par après en balado-diffusion accessible 24 heures sur 24. Excellent, merci beaucoup. Si vous me contactez une prochaine fois, si jamais je ne réponds pas à mes numéros de téléphone, faites-moi un email parce que je suis très souvent en déplacement. Merci. Et là, beaucoup. Je vous appellerai d'où que je serai. Excellent, au revoir, M. Actouf. Au revoir, merci beaucoup. Et pour nous, en fait, on continue à l'instant, en fait, dans quelques minutes à peine. Je vais avoir avec moi Guillaume Hébert de l'IRIS, en fait, qui est un institut de recherche en données socio-économiques et qui va venir, dans le fond, parce que là, c'est le temps où je commence à me poser la question, comment je vais faire mes impôts. Et en fait, il va venir nous présenter des propositions que son institut de recherche a pour rendre l'impôt un peu plus progressiste et finalement pour que les impôts répartissent encore mieux la richesse qu'on a ici au Québec et au Canada. Donc, dans quelques instants à peine, on va avoir Guillaume Hébert de l'IRIS avec nous. La semaine dernière, en fait, je suis allé voir une conférence qui était vraiment intéressante. Ça se passait du côté de l'église Sainte-Cécile à Trois-Rivières. Et dans cette conférence, il y avait une chercheure de l'IRIS qui est venue proposer, en fait, des façons dont on pourrait faire des modifications à notre système d'imposition, etc., dans lesquelles, avec ces modifications-là, en fait, on pourrait aller chercher davantage de revenus pour l'État canadien, l'État québécois, tout en, diminuant le fardeau fiscal des gens les plus pauvres, des gens de la classe moyenne. Et c'est une proposition, en fait, que je voulais pas qu'il tombe à l'eau. Alors, j'ai avec moi Guillaume Hébert, qui est chercheur, justement, à l'IRIS. Salut, Guillaume. Bonjour. Donc, oui, c'est ça. Quelles sont ces propositions, finalement, par rapport à l'imposition, là? Oui, ben il y a effectivement plusieurs propositions que l'IRIS a développées ces dernières années par rapport à ce que pourrait être une fiscalité alternative, dont d'autres façons dont on pourrait organiser les revenus de l'État. Cela dit, il y a une chose quand même qui est très importante de spécifier avant même de dire allons chercher plus d'argent, c'est de montrer pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant d'aller chercher davantage d'argent. Parce que j'écoutais plus tôt Omar Aktouf qui nous a parlé de la dette. Effectivement, il a parlé du concept de la dette, comment il faut prendre la dette, mais il y a aussi la question du déficit. Ouais, parce que c'est deux choses différentes, la dette étant le cumul des déficits ou des surplus qu'on va faire année après année. Donc, ça fait quand même, depuis le milieu des années 90, qu'on a une loi sur le déficit zéro au Québec. Donc on avait, si on veut rassurer un peu, si vous voulez, les gens sur la question sur la dette et le déficit. Mais là, est arrivée la crise économique, et là, on s'est retrouvé avec un déficit, et c'est ça qui a servi de déclencheur récemment là, au ministre Bachand pour proposer une révision, un changement de fer dans la fiscalité au Québec. Et c'était le prétexte un peu, là, si on veut, à ça, c'était évidemment le déficit avec lequel on s'est retrouvé après la crise économique. Alors, le ministre Bachand a proposé ce que nous on appelle la révolution tarifaire. Ah, parce que le ministre Bachand a dit on a baissé les impôts et effectivement il y a eu beaucoup de baisses d'impôts là, depuis le milieu des années 90 et évidemment le ministre Bachand n'a pas du tout l'intention de recourir à nouveau à l'imposition là, ou à relever l'impôt pour aller chercher des nouvelles entrées d'argent pour combler le déficit. Donc ce qu'il a dit c'est qu'on va faire on va aller chercher de l'argent d'une nouvelle façon, on va monter les tarifs. Les tarifs. Et ce qu'il faut comprendre quand on rentre dans une question comme celle-là, c'est qu'évidemment, quand on parle de taxes ou de tarifs, ben les gens sont soumis de façon, en fait, autant un plus pauvre qu'un plus riche vont payer la même TPS, la même TVQ quand ils vont consommer, tandis que l'impôt est progressif. On va demander plus d'impôts à ceux qui ont plus d'argent, on va demander moins à ceux qui ont moins d'argent. Donc c'est une révolution qui est majeure dans la façon de voir la fiscalité au Québec. Et nous, on dit qu'on aurait pu s'y prendre d'une autre façon pour combler le déficit. Mais une question avant qu'on entame, en fait, vers les scénarios que vous proposez. Oui. Là, on a baissé les impôts depuis les années 90, mais on a augmenté les tarifs de l'autre côté. Est-ce que les Québécois ont gagné au change là-dedans? Non, évidemment. Évidemment, on nous a amené dans une crise des finances publiques, hein, parce qu'on a littéralement affamé les services publics. Ça, c'est une chose, et ça, tout le monde est victime de cette situation-là. Dans un deuxième temps, au niveau là, d'un particulier, par exemple, vraiment, devant quelle situation il est placé, les baisses d'impôts ont été, de façon, en pourcentage des revenus, ont été assez similaires pour des revenus plus petits ou des revenus qui sont plus grands. Mais quand on arrive à parler de hausse de taxification et de taxes, eh bien là, on frappe beaucoup plus durement les revenus modestes que les revenus plus élevés, qui pour eux, qu'on augmente les taxes, mais c'est une part bien moins grande de leurs revenus qu'on va aller chercher avec la question de la taxification. Alors, c'est pas tout le monde qui subit le traitement à travers une révolution comme celle-là. Et là, on nous la présente souvent, cette révolution tarifaire, comme vous l'appelez. On nous la présente vraiment comme une alternative, enfin, en disant, ben voici, maintenant, c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est la seule façon de s'en sortir. Mais vous avez travaillé avec l'IRIS sur d'autres scénarios, en fait. Oui, absolument. Et ça serait intéressant de même creuser davantage d'où venait le déficit. Mais bon, on reviendra si on a du temps, parce qu'on peut voir que il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessairement nécessaires de faire. Mais bon, si on arrive maintenant aux propositions alternatives, parce que c'est vrai que depuis le début des années 2000, le gouvernement se prive d'énormément d'argent. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait d'une autre façon? Donc, la première chose, c'est certainement la question d'imposition. Parce que, comme on le disait, l'impôt sur le revenu, c'est la seule façon d'assurer une forme d'équité entre les mieux nantis et les moins nantis. Donc, on va vraiment chercher la part de revenu qui correspond à ce que les gens peuvent vraiment contribuer à la collectivité. Donc, on a réduit énormément au Québec les paliers d'imposition depuis quelques décennies. On est passé de 16 paliers d'imposition à seulement 3. Hein, et on a dit, ça va être plus facile comme ça pour les gens de faire leur déclaration de revenus. Bien entendu, au moment où on faisait ça, au fur et à mesure qu'on réduisait le nombre de paliers d'imposition, ben on a réduit aussi les échelles d'imposition. C'est-à-dire que présentement, on a trois paliers, donc un palier qui va de 16 à 20 %, un palier qui va de 20 à 24 % et un palier qui va de 24 à 28 %. Donc, c'est trois paliers d'imposition. Ce que ça fait, c'est que dans les paliers qui sont plus élevés, on s'est empêché de pouvoir aller chercher, continuer la progressivité, donc d'aller chercher constamment plus de revenus dans les revenus qui sont les plus élevés. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait revenir à 10 paliers. Et qu'est-ce que ce serait l'effet de ça, de revenir à 10 paliers d'imposition? Eh bien, ça nous permettrait de réduire le pourcentage pour les revenus qui sont plus bas et évidemment de l'augmenter pour les revenus qui sont plus hauts, donc qui devraient contribuer davantage à la collectivité. Et là, quand vous dites augmenter les impôts de ceux qui ont des revenus plus hauts, on parle de gens qui sont donc plus riches, mais à où suivez-vous ça, quelqu'un là, qui est riche ou qui a assez d'argent pour payer plus d'impôts ici au Québec? Bon, on a été quand même assez modeste. On s'est quand même gardé une petite gêne, comme on dit. On n'a pas été très... on pourrait débattre longtemps, savoir effectivement là qui est riche au Québec. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit jusqu'à 60 000 $ la nouvelle grille d'imposition. Donc là, je n'ouvrirai pas les 10 niveaux, mais on passe de 20 à 25 000 pour le premier, de 25 000 à 30 000 pour le deuxième, de 30 à 35 000, bon, etc., etc. Et de 20 à 60 000 $ de revenus offre carrément des baisses d'impôts avec la nouvelle grille d'imposition, avec le nouveau taux d'imposition là, qu'on inclut dans les 10 paliers d'imposition. Entre 60 000 et 100 000 $, l'impôt demeure stable. Donc, on a une situation qui demeure à ce qu'elle était. Avec nos deux paliers, là, qu'on pourrait dire sans trop, de 60 000 à 70 000 et de 70 000 à 100 000. Ensuite, de 100 000 jusqu'à les quatre paliers là, qui montent ensuite, de 100 000 à 150 000, 150 000 à 200 000, etc., jusqu'à la catégorie 250 000 et plus. Au-delà de ça, on a beaucoup moins de statistiques pour pouvoir saisir c'est quoi les revenus. Donc, au-delà de 100 000, eh bien, là, on se retrouve avec des hausses d'impôts à partir de ce moment-là. Donc, 2 %, ça peut être un peu aride comme ça de le présenter. Là, c'est un peu difficile de le présenter comme ça à la radio. C'est beaucoup plus simple qu'avec un tableau. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si on se donne des paliers qui épousent davantage qu'est-ce que c'est la courbe des revenus au Québec et qui va chercher davantage les gens qui ont bénéficié de larges baisses d'impôts depuis plusieurs années et qui sont aussi les gens qui bénéficient le plus des crédits là, pour des crédits de d'impôts pour finalement réduire le revenu qui est imposable, eh bien, on se retrouve à corriger un peu là, la tendance qu'on a depuis le milieu des années 90 à une société qui fait moins de redistribution, tout simplement. Donc, ce que vous proposez, c'est littéralement des baisses d'impôts pour ceux qui gagnent en non individuel et non pas le revenu du ménage. Là. Oui. En non individuel, en bas de 60 000, donc c'est une réduction d'impôts. Et on reste stable de 60 à 100 000. Et en haut de 100 000, des augmentations là, pour les impôts. Au final de cet exercice... Résultat, oui. Donc, au final là, de cet exercice-là, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de gens qui se situent là, à 60 000 et moins, en fait, donc qui vont profiter de ces baisses d'impôts-là. Mais est-ce que ça va... au niveau des revenus que l'État va avoir, quel effet ça va donner ça, si on suit cette proposition-là? Avec une proposition comme celle-là, c'est 1,3 milliard d'argent supplémentaire. Et ça équivaut ce qui fait le déficit là, conjoncturel présentement au Québec. Donc, il y a beaucoup quand même de citoyens qui gagnent en haut de 100 000 ou, ils gagnent vraiment plus que 100 000? Oui, il y a effectivement beaucoup de revenus qui sont concentrés dans la partie la plus haute. Ce qui est difficile avec les statistiques fiscales au Québec, c'est que à partir de 250 000, en fait, la catégorie existe, s'appelle 250 000 et plus. Donc, c'est dur d'évaluer exactement, OK, mais là-dedans, il y en a combien que le revenu, ça se compte en millions, combien est-ce qu'il se compte en dizaines de millions. C'est là qu'on perd un peu là, la capacité d'évaluer. Ce qu'on sait, c'est que le revenu moyen Le revenu imposable moyen au-delà de 250 000, c'est tout près de 450 000 $. Donc, c'est des revenus là qui sont quand même assez élevés. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte où ces gens-là ont bénéficié de nombreuses baisses d'impôts là, depuis plusieurs années et qu'il y a évidemment beaucoup plus de possibilités d'embaucher un fiscaliste pour voir de quelle façon est-ce qu'on peut réduire le revenu imposable quand on a des revenus là, de cette ampleur-là. Oui, effectivement, parce que c'est la question que j'allais poser. Si jamais je gagnais un revenu de 500 000 $ et plus, j'imagine qu'il y a toute une façon, là, fiscalement parlant, je peux me faire payer par des actions, exemple par ma compagnie, je peux utiliser à pleine capacité les REER, les CELI, ces choses-là. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens, à part augmenter le nombre de paliers d'imposition, c'est quoi les autres mesures qu'il faudrait mettre en place pour être sûr d'aller vraiment chercher l'argent là où il est? Eh bien, il y aurait définitivement une révision à faire là, du côté des crédits fiscaux, bon, tout ce qui permet de réduire le niveau imposable. Il y en a énormément et ça fait longtemps qu'on serait dû là d'une certaine façon pour aller réviser ces catégories-là de la fiscalité. Ensuite, il y a la question des entreprises, évidemment. On pourrait aller regarder davantage du côté des entreprises. Là aussi, on a réduit considérablement l'imposition. Bon, on va souvent entendre le ministre, par exemple, dire que le Québec, c'est l'endroit où l'impôt sur les particuliers le plus élevé en Amérique du Nord. Ce qu'on va entendre beaucoup moins souvent, c'est le fait que l'impôt sur les entreprises, sur le revenu des entreprises est très bas et beaucoup plus bas que aux États-Unis, est beaucoup plus bas que à peu près toutes les provinces canadiennes. Et c'est même le ministre Yves Séguin qui disait lui-même que le Québec est une espèce de paradis fiscal pour les entreprises. C'était quand même le premier ministre le premier ministre des Finances du gouvernement libéral, du gouvernement Charest, là, en 2003. Donc, de ce côté-là, il y aurait manifestement quelque chose à faire, d'autant plus que le gouvernement Harper a réduit là, encore là de 7%. C'est pas rien, ça, de 7% l'impôt sur les entreprises au Canada. C'est une situation dans laquelle le Québec aurait pu dire, ben nous, on va monter le nôtre de 3%, et seulement avec une augmentation comme celle-là, c'est 1 milliard qu'on ferait rentrer dans les coffres de l'État. Oui, effectivement. Il y a aussi au niveau de l'impôt des entreprises, pour tout ce qui est les compagnies d'exploitation minière ou d'exploitation de droits miniers, etc., est-ce qu'il n'y a pas là aussi un peu d'argent à aller chercher là, au niveau d'un État qui voudrait comme imposer ces entreprises comme il faut? Oui, absolument. De ce côté-là, on voit que c'est une autre situation dans laquelle où le Québec a été classé régulièrement par des think tanks, là, des groupes, des instituts de recherche très, très favorables au marché, favorables aux grandes entreprises. Ils ont classé le Québec comme un des endroits où c'était le plus profitable de faire des affaires, de faire de l'extraction, par exemple, de ressources naturelles. Donc ça, c'est une chose aussi qui a attiré notre attention. Un des problèmes, d'ailleurs, qu'on a vu, la situation était tellement scandaleuse que le Québec n'a pas eu le choix de faire quelques concessions dans le dernier budget. L'an dernier, le premier budget Bachand, il n'a pas eu le choix de faire quelques concessions, mais encore là, c'était très peu dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, le problème, c'est que on va au Québec là proposer d'augmenter l'impôt sur le revenu des entreprises minières, mais le problème, c'est que on va pas aller taxer comme il se devrait ce qu'on appelle la matière brute, c'est-à-dire plutôt que d'aller imposer les profits des sociétés. Donc on sait qu'on a plusieurs façons de réduire beaucoup le profit des sociétés. Finalement, on monte une société, dans le fond, elle fait pas de profit. Donc il y a des façons des échappatoires d'une certaine façon. On peut changer le portrait de ce qui est une société. Ce qui serait vraiment intéressant, ce qui serait vraiment utile au Québec, c'est d'aller taxer directement la matière brute. Donc je veux dire, il y a une base sur laquelle on peut pas échapper, c'est la quantité de minéraux que vous allez extraire du sol ou du sous-sol québécois, mais c'est là-dessus qu'on va vous évaluer, non pas à savoir si vous allez faire ou pas du profit à la fin. Donc ça serait une modification là importante à faire si on veut réellement aller chercher des nouveaux revenus, parce qu'il semble que même les petites mesures qu'on annonce présentement pourraient ne servir à rien. Donc, on entend bien, en fait, ce que vous avez à dire au niveau de la fiscalité, au niveau des changements qui nous sont proposés par le gouvernement. Présentement, c'est le gouvernement Charest, en fait, et la révolution tarifaire. peut-être en terminant, sur quel dossier là, il va avoir à suivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, là, au niveau de l'IRIS, là, sur quoi vous travaillez? Ben, aujourd'hui même, on a une sortie sur la question des bonis dans la fonction publique. Donc, vous pourrez le voir là, un peu partout dans les médias aujourd'hui. Donc, on a évalué la question, est-ce que c'est profitable pour l'ensemble des gens, pour la fonction publique au Québec, de rémunérer davantage les fonctionnaires avec des bonis. Donc, on va dire, c'est des bonis à la performance, si vous faites ci, si vous faites ça. Et on voit que la situation au Québec, présentement, à ce niveau-là, c'est pas du tout convaincant. Ça cause même des fois plus de problèmes que ça en règle. Et on voit que les seules personnes pour lesquelles c'est vraiment quelque chose de hautement profitable, présentement, là, c'est les hauts cadres, vraiment, là, les très hauts cadres de la fonction publique. Là, aujourd'hui, on parle de par exemple, la question du CHUM, là, c'était présenté en première page du journal Le Devoir. Donc, on voit que c'est des bonis qui sont très importants, qui sont offerts à des dirigeants pour un centre hospitalier, vous savez comme moi, qui n'existe toujours pas. Donc, ça, c'est une question qu'on travaille présentement à l'IRIS. Oui. Et on va traiter aussi des questions d'endettement prochainement, parce que, encore là, c'est quelque chose, un sujet que touchait Omar Aktouf avant moi. Et ça aussi, c'est quelque chose de central, de majeur, de voir comment est-ce qu'on a, avec des lois de déficit zéro, ramené l'endettement ou les déficits, on les a beaucoup restreints, surtout avant la crise économique. Et là, ce qu'on a vu, par exemple, c'est une explosion de l'endettement personnel à des niveaux qui commencent à être inquiétants pour plusieurs raisons. Donc, on va travailler ces questions-là davantage dans la prochaine année. Excellent. Bien, merci beaucoup. J'imagine avec ces sujets-là qu'on aura certainement la chance de se reparler là, dans les prochaines semaines, parce que vous touchez des sujets qu'on va aborder à l'émission de l'Heure internationale. Donc, bonne journée, bon lancement de votre étude. Bien, merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Bien oui, au revoir. C'était Guillaume Hébert de l'IRIS, qui est chercheur pour l'Institut de recherche en information socio-économique. Juste avant de se laisser, laissez-moi vous parler de le concours Parole aux jeunes qui est organisé par la Gazette de la Mauricie, qui est un journal indépendant et communautaire partout en Mauricie. Donc, il est distribué directement dans les portes et gratuitement dans un paquet d'endroits. Donc, c'est un concours où les jeunes, en fait, peuvent s'exprimer sur une pléiade de sujets, là, l'engagement citoyen, la politique, l'environnement, les arts, la culture. Donc, il y a un paquet de sujets et c'est des courts textes, c'est 500 mots. Il y a un comité d'experts, en fait, qui va analyser les textes et qui va déclarer un gagnant à la fin. Donc, c'est à suivre dans votre journal La Gazette de la Mauricie. Alors, c'est ce qui conclut cette heure internationale. On se revoit la semaine prochaine. Suivez-nous sur heureinternationale.wordpress.com pour avoir toutes les informations sur l'émission. Alors, on se laisse en musique avec Kulcha. Bonne semaine.